Book 2 92 92 الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين subordonné avec que deux subordonné avec que deux إنه يضايقني أنك تشخر. Cela me fâche que tu ronfles. Cela me fâche que tu ronfles. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Cela me fâche que tu boives autant de bière. Cela me fâche que tu boives autant de bière. إنه يضايقني أنك تأتي متأخرا جدا هكذا. Cela me fâche que tu arrives si tard. Cela me fâche que tu arrives si tard. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. Je crois qu'il a besoin d'un médecin. أعتقد أنه مريض. Je crois qu'il est malade. Je crois qu'il est malade. أعتقد أنه الآن نائم. Je crois qu'il est en train de dormir. Je crois qu'il est en train de dormir. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا. Nous espérons que notre fille se mariera. Nous espérons que notre fille se mariera. نأمل أن يكون لديه مال كثير. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. Nous espérons qu'il a beaucoup d'argent. نأمل أن يكون مليونيرا. Nous espérons qu'il est millionnaire. Nous espérons qu'il est millionnaire. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. J'ai entendu que ta femme avait eu un accident. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. J'ai entendu qu'elle est à l'hôpital. قد سمعت أن سيارتك J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. J'ai entendu que ta voiture est complètement détruite. Je me réjouis que vous soyez venu. Je me réjouis que vous soyez venu. Je me réjouis que vous soyez intéressé. Je me réjouis que vous soyez intéressé. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. Je me réjouis que vous vouliez acheter la maison. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. Je crains que le dernier bus ne soit déjà parti. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. Je crains que nous ne puissions prendre un taxi. أخشى أنني ليس معي نقود. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi. Je crains de ne pas avoir d'argent sur moi.